des tas de choses à vivre. Faut quitter le quartier, facile à dire, mais dur à faire. Hein, tes valises, tu réalises que t'es scotché sur le bitume, à faire du bis. À faire des wesh, t'avais ce costume, mais t'as troué, j'avais tes limites. T'évites les endroits chauds, caractère des loups qui pensent qu'à te la mettre. Ça pète tête et je te le dis mal. C'est le coup de boule à Zidane, et dans tout boule, ce sera la zizanie. Si le tour c'est 10 balles, on se comprend pas, bah c'est pas grave, face au c'est un message codé. Y'a que les vrais qui savent, donc inutile de t'expliquer. On veut s'affirmer vite et se tenir informé des votes, mais casse pas la boîte à vitesse sur la route de 66. Facile à dire mais t'es en haise. Imagine sans tes potes et sans rien dans les poches. À la merci de l'emploi. Quitter le tièce, moi j'y pense. Faut carrément quitter la France. Mais j'ai la flemme et dans ma veste y'a que des clopes et un briquet. Alors vas-y sors une massa et la résine. Je vais t'expliquer. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir mais pas du quartier. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Quitter le tièce c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. Fais ce qu'on peut pour s'en sortir. Sortir. Et dire que c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. J'débarque, s'te pas, j'te crache une cartouche. Mon flow s'est fait des bacs dans les boîtes à partout. Ça pète de partout, c'est le retour du papou. On fait ce qu'il a misère, mais cette salope nous frappe tous. Alors on avance peu à peu avec de tout petits pas. On avance d'un recul de la galère nous attire ou quoi. Je me sers de mes 10 doigts pour essayer de la contourner. Donc on balance du lourd que les refrains vont faire tourner. On a des tas de choses à dire, on a des tas de choses à vivre. On arrive sur le beat avec une putain d'envie de s'en sortir. On y pense avant de s'endormir, encore des tas de choses à vivre. On rêverait d'esquiver le check, mais bien souvent c'est impossible. Oh, on est trop souvent pris pour cible, alors ça nous rend parano. On repousse les limites du possible, on sait que l'oser ça motive. Que la vie ne tient qu'à un fil, et que tu feras pas long feu si t'as cru que c'était un film, yeah. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Sortir. Le check, c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Sortir. Le check, c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. Quitter la thèse, facile à dire. Mais le faire, c'est bien plus dur. Ouais, la rue m'a éduqué. Tout ce que j'écris, ça vient du cœur. On est tous nés pour faire la guerre. Car la vie est un combat, ouais. Un combat où le bordel se fait trop encombrant. Tu te fais mal en tombant et le chétan te tend ses bras. Dans la routine, tu tombes et tu dis car les heures séparent. Coincé dans ses draps, ne crois pas que le mal cédera. On m'a dit le mic t'aidera. Car la seule chose qui m'aille, c'est le rap. On a des tas de choses à dire et on crache sur les schmitts. Ça tasse que des spliffs et taf dans la street, ouais. On a grandi sur le ciment parmi les bons et les cas mauvais. Comme d'hab on veut des lovés pour éviter le game over. J'avance avec le poing levé relevant les défis de la vie. Pouvoir embellir l'avenir avant que mon navire chavire. Tout ça c'est facile à dire mais à faire c'est plus compliqué. Si demain je quitte la street c'est pour le soleil des tropiques, ouais. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Sortir. Le check, c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut pour s'en sortir? Sortir. Le check, c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. Comme à l'habitude, j'arrive et je représente ma destinée. Yoma est de retour, histoire de donner des leçons de cœur. Mais t'es fou, toi, tu me dis que y'a pas d'avenir dans ma zique. L'escroc de faire dramatique dans le son comme les têtes ou pas que. En attendant, je gratte au taf ou sur un beat. Je dois plus rien à personne, c'est pour ça que ma plume se sent libre. Tous livrés à nous-mêmes, mes coups de couze. Même dans la mouise, tous soudés quand la poisse nous malmène. Mais allez, on a l'habitude, c'est le quotidien du bitume. Que veux-tu, tous en bécane sur l'autoroute, la fortune. Des thunes, il en faut pour ça au studio. Il faut que le mic fume et que ça tu gardes pour faire de la maille. Faut que le micro j'accentue. Rapper c'est facile à dire, devenir le boss c'est pas le but. Je me débrouille plutôt bien sur beat mal comment. J'étais derrière l'instru, hé, hey, tous livrés à nous-mêmes. On veut s'envoler, mais désolé, frôlo. Maintenant je veux ma passe quitte à la volée. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Sortir. Le check, c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Sortir. Le check, c'est facile à dire. Facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Quitter le check, c'est facile à dire. On a des tas de choses à vivre. Et des tas de choses à dire. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Quitter le check c'est facile à dire. On a des tas de choses à vivre.